Dhammapada. Verset sur le monde. Ne t'approche pas de la vulgarité, ne t'attache pas aux idées erronées, ne vis pas dans la négligence, ne t'affaire pas aux tâches futiles de l'existence. Redresse-toi, ne sois pas négligent, vis le Dhamma pleinement. Qui vit le Dhamma dort en paix, dans ce monde et dans celui d'après. Vis le Dhamma pleinement, ne le vis pas distraitement. Qui vit le Dhamma dort en paix, dans ce monde et dans celui d'après. Vois le monde comme une bulle, vois le monde comme un mirage. Ainsi, le Seigneur de la mort ne te trouvera-t-il point. Viens, regarde ce monde fatal. Paré et décoré comme un attelage royal, il attire et submerge les fous, les inconscients. Mais les sages n'ont pour lui aucun attachement. Qui fut négligent et ne l'est plus maintenant, illumine le monde comme la lune libérée des nuages. Le mal qu'il a fait est maintenant compensé. Par ses bonnes actions, il illumine le monde comme la lune libérée des nuages. Ce monde nous aveugle assurément. Rares sont ceux qui y voient clairement. Peu d'oiseaux parviennent à se libérer du filet qui les opprime. Peu d'êtres parviennent à la libération ultime. Les cygnes volent derrière le soleil, suivent sa trace. Certains, par leur pouvoir, volent à travers l'espace. Quant aux sages, ils fuient le monde et ses tracas, après avoir vaincu les hordes de Mara. Celui qui profère des insanités, qui transgresse la loi de la vérité et méprise les conséquences qu'il s'attire, est capable du pire. Au royaume céleste, les avares n'iront jamais. Seuls les fous méprisent la générosité. Le sage, quant à lui, est heureux de donner, et cette seule vertu est gage de bonheur pour l'éternité. Dominer la terre entière, régner sur tout l'univers, aller au ciel, toucher le firmament, rien de tout cela ne vaut l'entrée dans le courant. Note de Jeanne Chute. L'entrée dans le courant est la première étape sur la voie de l'éveil. Fin de la note. «